Cher Simone, de Laure Elisabeth Bourdeau et Pauline Mocor. J'ai filé mon collant. Mail de Aurore, 27 ans, à Simone de Beauvoir. Objet, j'ai filé mon collant. Cher Simone, comment ça va? Je t'écris du boulot car je suis dégoûtée. J'ai encore filé mon collant. Le troisième en trois jours. Ça m'exaspère, t'imagines même pas. Avec ces 70 deniers, je sais pas quoi, à 6,80€ chez Monoprix, j'espérais au moins qu'ils tiennent deux jours. Tu parles. Allez, je te raconte les circonstances du filage. Mais vite fait, hein, car je vais rentrer en réunion, et si j'arrive la dernière, ils vont tous me repérer avec mon big trou au-dessus du genou. Tout est arrivé parce que j'ai croisé Paolo ce matin devant le Starbucks de la Défense. Il m'a proposé un café. Tu penses bien, je n'ai pas hésité. À l'intérieur, je m'installe à la table du fond, celle qui permet de surveiller si des collègues entrent. Là, le dos bien calé contre la banquette verte, je prends une grande inspiration pour calmer les battements de mon cœur. Et je croise ma jambe droite sur ma jambe gauche. Grave erreur. Je sens ma cuisse frotter contre le dessous de table, et là, bah, la cata. Ça accroche à une saleté de mini-vis. Résultat, la main est tirée, le collant est filé, et moi, bah, j'ai l'air d'une conne. Bref, là il est 9h25, ça veut dire que j'ai encore toute la journée à tirer avec mon collant flingué. Alors ok Simone, je sais bien que les nanas comme toi en ont vu d'autres, mais s'il te plaît, ce serait vraiment cool si tu avais un truc anti-filage. Combien de collants ont été abîmés depuis que les femmes en portent? Il doit bien exister une solution depuis le temps. Bon, je compte sur toi. Bye bye, chère Simone. Ah, et désolée pour ma mauvaise humeur de bon matin. Aurore. Réponse à Aurore de Simone de Beauvoir. Chère Aurore, détrompe-toi, mon petit. Je prends ton mail tout à fait au sérieux. Cette question des collants est cruciale. En France, la femme est d'autant plus respectée qu'elle représente mieux. Malheureusement pour nous, ce sont les vêtements et accessoires les plus fragiles qui sont les plus élégants. D'ailleurs, pour tout te dire, moi je suis plutôt bas que collant. Et comme toi, j'en mets pas mal à la poubelle pour cause de mailles filées. Ça peut me rendre hystérique. La dernière fois, j'ai fait une crise de nerfs à Nelson parce que son sale chat avait pris un malin plaisir à déchiqueter mes bas en se fourrant dans ma valise. Même pas moyen de les faire remailler. C'est un fait, nos parures nous coûtent. Regarde dans quel état d'énervement cela nous met et l'impact non négligeable sur ta relation amoureuse, ton travail, ton budget. Pas question que tu restes bloqué par cette contingence matérielle. Je transfère ton mail aux copines. Elles sauront peut-être. Sororalement. Simone. Réponse de George Sand à Aurore. Ah, ma chère Aurore, les bas que de tracas. Je me souviens qu'à mon arrivée à Paris, à 25 ans, j'ai moi aussi connu quelques déboires vestimentaires. Malgré mes bonnes jambes, sur le pavé, mes fines chaussures craquaient en deux jours et mes socques me faisaient tomber en s'attrapant dans mes jupons. Je brûlais d'assister aux événements littéraires ou politiques et d'accéder aux richesses des théâtres et des musées, mais je terminais crottée, fatiguée, enrhumée. Et je voyais mes petits chapeaux de velours, arrosés par les gouttières, s'en aller en ruine avec une rapidité effrayante. Alors crois-moi, tes collants fichus qui te désolent, je ne comprends que trop bien. Mon conseil, fais comme moi, adopte le pantalon. C'est ma mère qui m'a donné l'idée. Lorsqu'elle était jeune et que mon père manquait d'argent, c'était en tout début 1800, il proposa de l'habiller en garçon. Ma tante reprit aussi l'idée, et les deux sœurs purent aller partout, à pied avec leur mari, au théâtre, en toute place. Sur son conseil, j'ai fait pareil. Et quelle confiance j'ai gagnée. Tu m'aurais vue avec mon déguisement talisman. Je ressemblais à un petit étudiant dans la grande bohème des artistes et intellectuels. Sous cet habit d'emprunt, à moi la vie réelle. Et si certains trouvent à redire sur ta tenue, laisse-les causer. À mon époque, on me trouvait monstrueuse avec mes pantalons. Des journalistes qui se croyaient malins sont même allés jusqu'à m'accuser d'instiller la dépravation, l'anarchie morale, sociale et politique, et même d'y prendre plaisir. Mais surtout, n'oublie pas, Aurore, sur cette terre, que ton ambition soit artistique, financière, spirituelle ou charnelle, ta seule obligation, c'est de t'épanouir. Et pour cela, point besoin de bas et bon débarras. Georges. Réponse de Griselidis Real à Aurore. Salut les filles! Je découvre seulement maintenant vos courriers, j'ai été débordée par le travail ces derniers jours. Les clients ne m'ont laissé aucun répit. Aurore, ma belle, je te le dis tout net, n'écoute pas la vieille Georges. Elle n'est pas con, mais sur la question du pantalon, elle va trop loin. Si t'as envie d'être coquette, flûte, c'est ton plus grand droit. Moi, j'ai toujours porté des jartelles, et ça ne m'a pas empêchée ni de penser, ni de marcher. Les trottoirs de Genève s'en souviennent. Pour aller droit au but, ce que je préconise, ce sont les barésies, solides comme un filet à orange. Au pire, si tu fais un accroc, ça reste un accroc, ça ne file pas dans tous les sens. Et si les résilles ne sont pas de circonstance, tu peux te rabattre sur les bas, comme la Simone. Comme ça, si t'en abîmes un, il te reste l'autre. Tu n'es pas obligé de changer l'ensemble, économie de moitié. Et puis dernièrement, une collègue m'a donné un tuyau. Placé au congélo pendant 3 heures, les collants seraient plus résistants. Tu me diras si ça marche. Bon, allez, je te laisse, il faut que je photocopie ça des tracts pour le droit de travailler dans la rue. Allez, kiss kiss ma fille et vive les jambes à l'air. Griselidis. C'était Cher Simone. À l'air, j'ai dit. De Laure-Elisabeth Bourdeau et Pauline Mocor. Avec Dominique Raymond, Isma Agnacchini, Sophie Doll, Clotilde Mollet et la voix de Duncan Evenou. Bruitage, Sophie Bissance. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Jean-Michel Bernot et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Laurence Courtois.